sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vous êtes dans les coulisses de Radio Web Passion, donc nous sommes actuellement sur le festival La Belle Valette dans le Loiret. Alors je souhaite la bienvenue dans mes coulisses à Poupi. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait trop plaisir, c'est la première fois que je fais un concert ici en plus. Alors tu joueras ce soir un concert, on va en parler un petit peu plus par la suite. Donc tu es chanteuse française, tu as été révélée notamment par The Voice, oui. Ça dépend du public qui me connaît. Il y a pas mal de gens qui m'ont découvert par ce biais-là. Il y en a beaucoup qui m'ont découvert avec mes collaborations, notamment celle avec Jules. Il y en a qui m'ont découvert avec une autre télé que j'avais faite en Espagne. En fait, il y a plusieurs canaux, on va dire. En effet, on va en parler justement du feat que le dernier feu, en fait. Ouais, hein, voilà, on va en parler juste après. Tu me spoilies plein de choses là déjà. Donc en fait, sur le festival, donc toi, tu fais partie de la scène urbaine montante, d'accord. Quel est ton univers exactement? Je dirais que c'est un univers assez ensoleillé, malgré voilà, il n'y a pas que des chansons gay, mais enfin c'est toujours une touche positive. Je dirais que musicalement il y a beaucoup d'influence reggae. C'est un style de musique que j'adore et qui me correspond énormément, avec lequel j'ai évolué bah, justement dans la musique. Et puis je dirais que c'est un univers qui est au final assez personnel, puisqu'il est très très très singulier, il m'appartient complètement, et c'est ça que j'aime le plus, notamment quand je me donne en live comme aujourd'hui, de plonger les gens dans ma planète, etc. C'est vraiment génial ça. Donc en fait, tu m'as parlé de reggae, on peut parler de trap un peu aussi. Ouais, exactement. De la trap, de la pop, c'est trois univers qui se retrouvent assez dans mon dans ma musique, et puis je crois que c'est ce qui crée bah Poupie quoi, l'identité artistique et musicale. Alors, de quoi parlent tes textes? Parce que tu me disais que c'était assez intimiste. De quoi elles parlent, tes textes te parlent de quoi? C'est moi qui ai du mal, tu vois. les textes, il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Il y a beaucoup l'émancipation, il y a un peu d'amour, il y a de l'anxiété. J'ai eu ça comme thème, notamment dans mon premier EP. Il y a à peu près toutes les choses qui m'ont touchée au fur et à mesure de ces dernières années. Ils sont pas forcément intimistes, mais ils sont très personnels. Ils sont, c'est toujours des mots que j'emploierai en parlant, ou du moins des sentiments qui ont vraiment existé en moi. Alors, l'aventure a démarré il y a combien de temps ? Il y a 2 ans et demi, je crois, à peu près. Donc tu as tout juste 24 ans, donc pas déjà. Pas du tout. Pas du tout, plantage. Pas du tout, j'ai la vingtaine. Vingtaine, juste 20 ans. J'ai 22 ans exactement. 22, 24 ans, ouais. Excuse-moi, je t'ai vieilli 2 ans, c'est vrai que c'est pas sympa. on peut parler de ta discographie, donc un premier EP en 2018. Un premier EP en 2019. Ensuite une tracklist. Une tracklist. Bah, en fait, la tracklist, c'est un mot qu'on utilise pour parler de toutes les chansons d'un projet. Donc, du coup, depuis 2019, j'ai fait un EP éponyme qui s'appelle Poupie. Ensuite, en 2020, j'ai sorti un EP qui s'appelle Feu. Et cette année, il y a mon album qui sort le 24 septembre. Voilà, donc on va en parler de toute façon aussi. Alors, il y a Feu, tu as fait Feu en 2020, qui est sorti, qui est un titre avec un feat, le feat est avec Jul. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, en fait, Jul, c'était une rencontre assez saugrenue, parce qu'en fait, je lui ai écrit sur Instagram. Donc, merci, notre nouvelle ère technologique, c'est trop cool. Et il m'a répondu assez rapidement. Et au final, il était très content. Et puis, de collaborer avec moi, alors que bah, c'est quand même un artiste voilà qui est assez gros. J'aurais jamais pensé, en fait, qu'il allait répondre un jour. Donc, ouais, c'est assez ouf, en fait. C'est assez, assez incroyable. Je suis contente. J'imagine, hein. Oui, puis ça cartonne en plus, hein. Ah bah ça, je sais pas, hein. C'est pas à moi de juger, mais en tout cas, je suis très heureuse de la manière dont la collaboration a été reçue par autant ses fans que les miens. Alors, on peut t'écouter sur tout un tas de plateformes, hein. T'es un peu partout, hein. Mais aussi on peut t'écouter et te voir dans des clips. Hein. Alors, j'aime beaucoup tes clips. Hein. Ah, merci. C'est toujours le même réal. C'est pas toujours le même, mais pour ce qui est de l'album et des extraits qui sont sortis, pour l'instant, oui, on travaille avec Bleu Nuit, c'est un collectif belge qui travaille très bien, et on aime beaucoup comment ils voient notre projet et comment, avec mon équipe, et comment ils le mettent en image avec nos idées, etc. Donc c'est trop cool. Alors j'imagine qu'au départ, t'étais indépendante, tout au début de ta carrière, ou tout de suite, t'es rentrée dans une grande maison de disques? Non, c'est plutôt la deuxième option. Ça s'est passé assez rapidement. Moi, j'ai fini mes études en 2018 et j'ai signé tout de suite derrière en début 2019 dans une grosse maison de disques qui est Universal. Et puis voilà, ça se passe super bien. Je suis très heureuse de la liberté que j'ai dans tous mes projets, toutes les décisions, etc. C'est vraiment une merveille. Qu'est-ce que tu as à nous dire justement pour cette sortie d'album? Donc, il y a combien de titres et qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre à travers cet album qui va sortir en septembre? Enfant Roi, c'est mon premier album, donc qui va sortir le 24, en effet, comme vous l'avez dit. Et je crois que la valeur qui existe le plus au sein de l'album, c'est peut-être la liberté. Je crois que mon message le plus grand, ce serait de montrer qu'on est toujours, surtout dans notre pays, avec la chance qu'on a, on est toujours libre en fait de faire ce qu'on veut, on peut toujours s'émanciper, on peut toujours s'éloigner de tout si on comprend qu'on a cette force en nous. Je pense que voilà, c'est ça que j'ai voulu faire passer dans l'album. Et puis il y aura 13 titres. Où est-ce que tu veux aller exactement toi dans ta carrière? Quel objectif tu t'es donné? Je me suis pas vraiment fixé d'objectif. Je crois vraiment que si quelque chose est écrit, ça arrivera. Je crois aussi que jamais rien n'est figé. C'est très dur de se projeter dans un milieu aussi incertain que la musique et que l'art en général. Donc pas de plan sur la comète. Par contre, je profite bien de chaque instant qui m'est donné. Et là, j'ai vraiment hâte de monter sur scène ici au Label Valette. Donc ce soir, tu joues à quelle heure? À 19h30. Très bien, on sera tous au rendez-vous de toute façon. J'ai une des dernières questions. Est-ce que tu as quelque chose un petit secret que tu peux nous dévoiler? Genre, t'as un truc fétiche que t'emmènes toujours avec toi dans les concerts, ou t'appelles un pote, ou est-ce que t'as quelque chose que tu fais systématiquement un peu pour te porter bonheur? J'amène mes copains, donc ça peut paraître un peu bête, mais il y a toujours une voiture de copains qui vient sur les festivals parce que pour moi c'est très important de me sentir toujours en sécurité, même dans des contextes professionnels. Donc il y a toujours des gens très proches de moi qui m'accompagnent partout, voilà. Et je l'avais jamais dit parce que pour moi c'est pas vraiment quelque chose d'important, mais voilà, c'est le cas. Et d'être bien entouré, c'est important quand même. Ah ouais, je pense vraiment que l'entourage ça fait tout. Je pense que réussir seul ça n'existe pas, parce qu'on a besoin des autres. Et surtout que dans mon cas, c'est comme je suis comme un espèce de bébé, il faut toujours qu'il y ait des gens qui soient là pour me rassurer, pas forcément dans les faits, mais juste savoir qu'ils sont là, je peux avancer tranquille. Je vais te souhaiter en tout cas une très très belle carrière. Je te suis beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais, les collaborations, l'orientation que tu prends de ta carrière. Donc je te souhaite plein de bonnes choses, vraiment. C'est trop gentil. Oui, on a été très touchés de t'avoir dans les coulisses, vraiment. Donc les coulisses de Bérénice, mes coulisses. Donc est-ce que tu peux me choisir deux titres, qui soient de toi ou pas, qui sont importants pour toi, qu'on pourra mettre par la suite derrière l'interview? Il y en a une qui vient de sortir qui est très très belle, qui s'appelle Peru, P-E-R-U, de Fireboy DML. C'est un artiste nigérien que j'adore. Et une deuxième, je dirais Tell My Louise de moi. Je trouve que c'est une musique qui est pleine d'espoir et de liberté. Alors on se quitte avec ces deux titres. À bientôt. Une petite dernière chose, est-ce que tu acceptes un selfie? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ça, les auditeurs pourront pas le voir. Ouais, mais bon, c'est mon kiff. T'inquiète. Merci beaucoup, Bérénice. Bon concert, Poupillé. Merci encore. Merci. So, girl, you won't capture my soul. I'ma get no be so. Make you one wombo lumbo. Peru, para. Peru, peru, para. I'm loose. Even Peru done the para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call it for one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me, you can fire go, put them on body. I'm on duty, but I'm on low-key. They won't do me, they won't do me. They won't do me, but they won't do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Peru, para. Peru, peru, para. I'm loose. Even Peru don't let para. She says you like my tune. She say me, I never seen a girl like you. Say you like my tattoos, tell me I want to be inside you. She's my woman, inside Puna, sweet like sugar. In my new van, just come to me, yeah, they swim like tuna. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me, when you won't want me, I just flew in from Miami. Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru. fait plus d'un an que je vois leur nom, que je dois m'y plaire. Ça fait quoi d'être toi, à fait les terres. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche la terre. Comme Louise et Thelma, je veux prendre la route, seulement revenir si ça m'en fait. Passion. Radio Web Passion.